Ma grévin, c'est mort pour musée grévin. Condamné à couper des 10 et des 20. Les mains faites pour l'or, elles sont dans tes seins. Tu voulais du love, j'ai vendu du rêve. Je suis mauvais élève, j'ai pas mauvais fond. Voulais tes lèvres, je m'endors sur tes fentes. Sans grand frère, personne viendra me défendre. J'défonce le sac, je m'entraîne, je mets les gants. Tu mangeras des pâtes si t'écoutes les gens. Le cœur est blanc, je veux du chrome sur les jambes. Posé en bas du bois, trois packs, c'est la fête. Galette de crack, le chat aura la fève. À qui la faute, je ne vise que la tête. Niquer la vie sans amour, sans latex. On est du père comme indien dans la ville. Jamais le moral, ça va comme un lundi. La vieille du deux qui fait lundi. Envoie les petits pour lui casser la vitre. Tu m'agrébin pas la gueule de l'emploi. Ne deviens pas Benzema, celui qui aboie. La richesse vient d'Afrique, wesh, t'as cru quoi? On respecte le daron, ton boisson le tutoie. Ton boisson le tutoie. Couleur bronzée dans le paysage, on est des milliards. Étoiles filantes dans les nuages, fonce des alahiya. Va béné, va béné, va béné, hoya. Va béné, va béné, va béné, hoya. Maghrébin, maghrébin. Les temps sont durs, je reste solide, tu maghrébin. Maghrébin. Je manque de tout, je me prive de rien, je suis maghrébin. Mon pote perd du poids, affaibli par le teuchi. On demande pas plus, sa survie, ça suffit. Pas de bague sur la lunaire, du mal à s'unir. Marié à la rue, bracelet sur la cheville. Sortir du trou avec l'aide de l'Eden. Mes liquides à 40 degrés coulent dans les veines. On reste en bas trop, il faut monter l'Everest. Chacun sa IVA, chacun ses rêves. Fais ton chemin entre peine et galère. Mais n'oublie rien comme un Sénégalais. Génération d'immigrés, passe mille balais. Nos darons l'ont fait, pas le choix, c'est qu'il le fallait. Prends ton oseille, il faudrait s'en aller. Jeune maghrébin qui on met pas la laisse. Dégradé blanc, t'as reconnu les harbi. On prend les lents pour te la mettre, mon ami. Les à vivre de la peuple dans la ville, ça ramène pilon et tout le monde est ravi. Roule en gamme, donne une pièce au feu rouge. Fais pas le bolos qu'on a plus rien à foutre. Fait que tes matchs, j'aime tes habits de choix, ce CLM, au frère en reste dans la cellule. Passer sa vie enfermé, mec, c'est dur. Courage, le sang et la sortie, c'est sûr. Couleur bronzée dans le paysage, on est des milliards. Étoiles filantes dans les nuages, fonce des alahiya. Va béné, va béné, va béné, hoya. Va béné, va béné, va béné, hoya. Maghrébin, maghrébin, les temps sont durs, je reste solide, je suis maghrébin. Maghrébin, maghrébin, je manque de tout, je me prive de rien, je suis maghrébin.